Je savais bien que là-bas n'était pas si loin. Le monde est rond, alors à demain. Cette chanson est là pour vous faire voyager. De par le monde, un refrain, un gong et ses couplets. Où que l'on soit, où que l'on aille, quoi que l'on fasse, il y a de la vie à chaque instant, dans chaque place. Toi